cette histoire s'est déroulée comme je le pensais. Elle a succombé mon cœur avec elle, surtout pas d'erreur, sentiment, séduction. En voici une sorte de déduction, conclusion. Je suis totalement acharné sur le pouvoir d'aimer. Je te lis en toute sincérité, sans toi comment pourrais-je y arriver, yeah. Nous deux, amour infini, anéanti sous les débris de regards qui me sont lancés. Impossible d'oublier, t'es bien la seule à qui je veux penser. La situation s'est dégradée depuis que j'ai rencontré cette fille. Impossible d'aimer, je me suis laissé dissuader. Embarqué sur cet amour fauché, ok. Embarqué sur cet amour fauché. T'es parti, recommencer ta vie loin d'ici. Je suis fatigué de me forcer à sourire. Ma seule envie est de me laisser mourir. J'essaye en vain de ne pas me noyer dans tant de souvenirs. T'es parti, recommencer ta vie loin d'ici. Je suis fatigué de me forcer à sourire. Ma seule envie est de me laisser mourir. J'essaye en vain de ne pas me noyer dans tant de souvenirs. Aucune envie, je n'ai qu'une vision bien précise que je dévoile en toute franchise. Babe, me voilà parti, mon parcours devait se dérouler ainsi. Je n'ai pas su trouver les mots, tant de bons moments avec elle. Tel était mon désir, qu'elle doit accepter tous mes tirs. Peut-être est-il encore le temps pour se ressaisir, faire en sorte que son cœur soit rempli de plaisir. L'amour m'a pris avec humour, je suis loin d'elle. Peut-être est-il encore le temps pour se ressaisir, faire en sorte que son cœur soit rempli de plaisir. L'amour m'a pris avec humour, je suis loin d'elle. T'es parti, recommencer ta vie loin d'ici. Je suis fatigué de me forcer à sourire. Ma seule envie est de me laisser mourir. J'essaye en vain de ne pas me noyer dans tant de souvenirs. Pendant que toi tu refais ta vie là-bas, moi je reste là et je me bats pour ne plus penser à toi. Je vis dans le désespoir, je prie seul dans le noir. Là je revois dans ton regard l'amour d'autrefois. J'espère au moins qu'elle prend soin de toi. Bébé, sois heureux.